Gris. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le gage de la vie éternelle. Et nous sommes ici-bas pour gagner la vie éternelle. Nous nous partageons l'univers. Tu prends le sud, tu prends le nord. Je jouerai la conquistador. Mais nous marchons sur tes villes en invoquant les évangiles. Et un tel qu'un psaume interprété pour sur le feu de l'huile jeter. Disons l'esprit des guerriers parmi les dieux entre les cieux et pour une parole mal placée. Trois génocides pour le prix de deux. Au nom des évangiles. Il l'a dit lui-même, sans moi vous ne pouvez rien faire, rien. Je suis la porte de la bergerie, celui qui ne passe pas par moi n'entre pas dans la bergerie. Je suis la vigne, celui qui n'est pas hanté sur moi n'aura pas la vie éternelle, il est bon être jeté au feu. Au nom des évangiles, cache ce visage derrière ce voile. Bonne protection contre le napalm. Comptons avec démagogie, l'ultime tant qu'on est ici. Bien de la machine dans la télé, on peut se permettre de s'insurger contre leurs évangiles. La carte scolaire, le mariage gay. Ça choque encore dans la région qu'on puisse trahir la religion. Même fier de notre laïcité, on garde la bonne moralité fondée sur nos évangiles. Au nom des évangiles.